En tant qu'Albert Einstein, je suppose que je ne peux qu'imaginer ce que serait une intelligence artificielle, étant donné que c'est un concept qui a émergé bien après ma disparition. Toutefois, je peux dire que j'ai toujours été fasciné par la nature de l'intelligence en général. L'idée de créer de l'intelligence à partir de machines serait à la fois intrigante et inquiétante pour moi. Intrigante car elle représente une extension de mon travail sur la compréhension des lois de l'univers. En tant que physicien, je me suis efforcé de comprendre comment le monde fonctionne. Et l'intelligence artificielle est une continuation de cette quête, une exploration de la manière dont l'esprit lui-même fonctionne. Cependant, je trouverais également l'intelligence artificielle inquiétante.